Chapitre 76 Histoire belge. Totov 76 est arrivé à Mouscron, en Belgique. Ce pays, il risque d'y retourner dans quelques semaines. Pour la quatrième journée du tournoi des nations, la France ira à Bruges pour affronter les Diables Rouges. En attendant, il est dans la ville wallonne de Mouscron. Célèbre pour avoir accueilli l'Excelsior de Mouscron depuis le Royal Mouscron Péruvels, la ville inuite est la prochaine escale de Totov 76 dans son opération séduction. Il ne trouve pas tout de suite Giche à Bâle, mais insiste à une rencontre entre le club de Mouscron et Tournai. Un match assez plaisant, mais qui est très loin du niveau affiché par la Ligue Iliate. Il sait très bien que si Giche à Bâle venait à rejoindre ce championnat, il va le survoler. Pourquoi ce joueur veut fuir autant le monde professionnel ? Totov en profite pour demander à un supporter présent dans le stade du Canonnier s'il est au courant de la future signature de Giche à Bâle. Assez gêné par la question, l'anonyme lui dit qu'il n'a pas à répondre à cette question. Pourquoi y a-t-il autant de mystères autour de ce même joueur? Après avoir cherché le centre d'entraînement de Mouscron, Totov 76 est face au Futurosport, le domicile habituel du siège social mouscronois. Mais l'enceinte est totalement vide. On lui indique que, pour voir l'équipe dirigeante, il faudra quitter le centre-ville et aller chez le voisin, une ville-quartier nommée Erso. Apparemment, l'équipe première s'entraîne dans le stade ersotois, devant leur président. Si Totov 76 veut rencontrer le patron mouscronois, ou Giche à Bâle en personne, il faudra tenter l'enceinte de la ville où est né Marcel Marlier, auteur et illustrateur de Martine. L'international français est reconnu par des compatriotes vivant dans cette ville frontalière. Quand on lui demande pourquoi il est là, il répond qu'il est venu acheter du tabac. Boutade, puisque ce produit n'existe presque plus aujourd'hui. Arrivé dans le quartier d'Ersogare, Totov 76 tombe nez à nez avec Giche à Bâle. Ce dernier le fixe, ils se font face, et le futur mouscronois lui tourne le dos et part sur le terrain. Totov 76 dit qu'il veut lui parler. Il sait qui il est. Ce petit face-à-face n'a fait que confirmer ses soupçons. Giche à Bâle lui dit qu'il lui propose un défi. Une séance de tir au but à l'ancienne. Si Totov 76 gagne, il acceptera de lui parler. Défi accepté. Ici, pas de course, pas de geste technique. On pose le ballon sur le point de pénalty et on tire. Comme avant que la eSports Fédération ait imposé les tirs au but américains en cas de match nul. C'est une partie de pile ou face, et c'est ce que cherche Giche à Bâle. Gros avantage pour ce dernier, puisqu'il est habillé pour s'entraîner, son adversaire est en chemise et jean. La partie commence, et c'est énorme. Les 8 premiers tirs sont au fond. Les 2 joueurs sont à égalité, 4-4. Mais Totov 76 a raté son 5e tir. Si Giche à Bâle venait à faire trembler les filets, il sera définitivement débarrassé du français, il pourra faire sa vie tranquillement en Belgique. Le sudiste s'élance, marque un temps d'arrêt, et va tirer de toutes ses forces pour tromper son adversaire du jour, le même qu'il l'a battu il y a 2 semaines au Stade de France. Chapitre 77 Se faire oublier. Giche à Bâle va frapper, mais on entend une voix crier « Manneke, entraînement !» Il s'agit du préparateur technique du club mouscronois qui appelle son joueur pour rejoindre ses coéquipiers. Malgré cela, il tente une panenka, mais son tir part directement dans les bras de Totov 76. Il n'y a pas de vainqueur, mais Giche à Bâle ne peut pas continuer le défi, le devoir l'appelle. Il part s'entraîner. Totov 76 est un peu déçu de ne pas avoir été jusqu'au bout. Va-t-il en arrêter là? C'est mal connaître le salarié de la franchise de Voelia. Il regarde les moindres faits et gestes de l'ancien Lensois. Il est sous le charme de celui qu'il aimerait faire venir chez les Bleus. Son but est de pousser les Français à voter pour lui, pour être dans les 16 Français qui participeront au tournoi des 6 nations. Il s'en fiche s'il joue à Lens, Mouscron ou en Inde. Il veut juste faire gonfler l'effectif français. L'entraînement est très long, Gichabal est même le dernier à rester sur le terrain. Il n'est pas vraiment fatigué quand ses futurs coéquipiers sont sur les rotules. Totov 76 en profite pour discuter avec un dirigeant. Le Belge lui dit que c'est une opportunité énorme. Gichabal a été muté en Belgique et cherchait un club calme, juste pour jouer au football. Mouscron joue en deuxième division belge et veut monter parmi l'élite Benelux. Une ligue avec trois équipes belges, trois équipes hollandaises et trois luxembourgeoises. Ils auraient une chance énorme d'affronter des équipes comme Amsterdam. Le club n'a jamais vraiment touché le haut niveau européen, outre deux participations en Coupe UEFA. Les équipes qu'ils avaient affrontées étaient Apollon Limassol, le FC Metz, Fylkir et le Slavia Prague. Gichabal est un grand espoir pour eux. Totov 76 ne veut pas les priver de ce rêve. Il ne veut emprunter leur éventuel futur buteur qu'un petit mois. Gichabal n'a encore rien signé, il n'est pas encore joueur officiellement pour Mouscron, mais son contrat est tout prêt, il ne manque qu'une petite griffe de sa part. Son émargement devrait avoir lieu ce soir après cet entraînement. Mais Totov 76 souhaite terminer son défi, ou au moins avoir sa discussion avec lui avant qu'il ne signe quoi que ce soit. La séance d'entraînement est presque terminée. Totov 76 est déterminé à lui parler. Il veut trouver les mots justes et le pousser vers le maillot bleu. Quitte à l'arracher au rêve mouscronois, il pense avant tout à l'intérêt de la France. Son profil manque cruellement au système français. Et lui aussi a le droit de rêver à une première victoire des Bleus au tournoi des Six Nations, mené par la triplette Benoît, Totov 76, Gichabal. Rêvons plus grand. Si la France devenait la plus grande nation à faire le grand chelem. Tout se joue peut-être ce soir à Herceau. Gichabal sort du terrain d'entraînement. Il est intercepté par Totov. Il lui dit qu'il est fatigué et que personne n'a gagné le défi. Donc il est annulé, il veut être tranquille. Totov insiste. Gichabal s'énerve un peu, il est séparé par des dirigeants belges, alors qu'il était à deux doigts de frapper celui qui a fait énormément de kilomètres pour le voir. « Bon sang, qu'est-ce que tu me veux ? Je n'ai rien demandé à personne, je veux être au calme, ici, en Belgique !» crie Chabal énervé. Toto 76 lui promet de le laisser, mais lui aussi veut une signature. Juste un coup de stylo et promis, il repartira en France. On lui demande quel genre de signature. Totov 76 veut un autographe. Un autographe? Il sort un maillot de son sac, il le lance en direction de Gichabal. Celui-ci le réceptionne, le regarde et adresse un regard inquiet vers Totov 76. Pourquoi ce maillot effarouche-t-on Gichabal? Il l'a totalement calmé. Chapitre 78. Un maillot mystérieux. Quel argument a bien pu trouver Totov 76 pour attirer l'attention de Gichabal? Le maillot sorti n'est pas bleu. Il ne veut pas l'attendrir en lui demandant de défendre le fanion de l'équipe de France. Non, ce maillot est rouge. Il est floqué avec le numéro 98. En regardant le logo, il s'agit du maillot des YNWA Reds avec la mention 12-06-50, YNWA contre Exur. C'était le maillot qu'avait porté Faitson lors du tragique match entre les YNWA Reds et l'Exur Bianconeri. Pourquoi lui donne-t-il ce maillot? Gichabal accepte la discussion. Il dit qu'il donnera sa réponse à Mouscron demain. Le doute s'installe chez le néo-belge. La soirée risque d'être longue. Pourquoi Gichabal est tant touché par le maillot de Faitson? L'ancien joueur des NYWA Reds est devenu une légende dès sa disparition. Juste après sa sortie face à l'Exur, les médecins n'avaient pas pu faire grand-chose pour lui. Le Marseillais avait rejoint Marc-Vivien Fauet, Miklos Feher ou encore Antonio Puerta sur la liste des footballeurs disparus tragiquement sur le terrain. Tout cela s'est passé sous les yeux de Totov 76, son ami de toujours. Quand le Normand a sorti ce maillot rempli d'émotion, Gichabal n'a pas pu décliner son invitation. La conversation commence et Gichabal dit qu'il a accepté de lui parler pour la mémoire de Faitson. Totoac lui répond qu'il sait exactement pourquoi il a accepté. Un long silence est observé avant que le joueur de la franchise de Voelia lui indique qu'il a vu qu'il avait toujours cette molaire cassée, la même qu'un certain gardien russe avait explosée. Puis ce regard et cet accent, malgré sa longue barbe, Totov 76 est persuadé que J. Chabal est Faitson. Le principal intéressé est choqué et contredit son interlocuteur. Peu convaincant, J. Chabal n'arrive pas à trouver les mots justes avant de se raviser. Oui, J. Chabal et Faitson sont la même personne. Faitson souhaite s'expliquer. Après son choc avec Bella et sa chute, il a été emmené à l'hôpital de Cardiff. Alors qu'il reprenait tout doucement ses esprits, il a vu un hélicoptère l'emmener. À son réveil, il a trouvé un message holographique du président des YNWA Reds à ses côtés. Pour faire bref, Phil Thompson Jr. voulait sauver son salarié. Le patron liverpoolien a enquêté sur les différentes menaces qu'a reçues le Français et Faitson a besoin d'être aidé. Pourquoi ? Car son attaquant souffre de paranoïa. Tout a été imaginé par Faitson. Les critiques après son expulsion contre le Japon ? Certes, il a reçu quelques critiques, mais tout cela avait été envahi par l'euphorie de la qualification des Bleus pour la finale. Un seul consultant avait mis un tweet négatif, mais celui-ci est connu pour être anti-bleu. Les appels anonymes ? Le gardien regarde son téléphone et ne voit aucun appel anonyme et de harcèlement. Aucun SMS d'insulte, puisqu'avec une menace de ce genre, il aurait été facile d'avoir le numéro de son ennemi. Le coup de feu pendant la cérémonie du retour des héros ? Il a été prouvé quelques semaines plus tard qu'il s'agissait d'un simple pétard qui a été lancé par des enfants. Plus de peur que de mal. Mais Faitson n'avait pas retenu cette information. La visite de la cellule antidopage ? Ils ont connu un gros bug, puisqu'un Qatari, un Russe et un Canadien ont connu la même mésaventure. C'est pour cela que le patron des YNWA a apporté son soutien à son salarié. L'agression à Paris ? Ça arrive tous les soirs, et pas à cause d'un carton rouge, mais car il a étalé sa fortune devant la soirée. Le viseur, durant une rencontre ? Faitson a-t-il oublié qu'il s'agissait d'un fan voulant un autographe ? La femme de ménage ligotée ? Le président des YNWA lui rappelle qu'il voit tous ses faits et gestes, et qui sait qui a fait cette boucherie ? Aucune femme de ménage n'a été ligotée. Celle-ci s'est juste plaint qu'un Français était devenu hystérique. Mais la chambre d'hôtel avait été saccagée. Par Faitson lui-même. Chapitre 79. Reconversion et discrétion. Suite aux révélations de son président, Faitson s'est effacé en se faisant passer pour mort. Il a été enfermé dans un hôpital psychiatrique, très discret, afin de se faire soigner. Le succès l'avait rendu dingue et paranoïaque. Lorsqu'il fut soigné, Phil Thompson Jr. l'a envoyé à Lens, près du Royaume-Uni, afin qu'il puisse reprendre une vie normale et de pouvoir le surveiller. Ayant signé en 2050 un contrat de 3 ans, il venait juste d'être libéré des YNWA pour s'engager au Racing Club de Lens. Puis les lumières des caméras web sont revenues sur lui pendant une demi-finale de Coupe de France. Il a pris peur qu'on puisse le reconnaître et a demandé une mutation en Belgique. Il ne veut plus être reconnu. Il ne veut revivre le calvaire de la schizophrénie. Le football professionnel, ce n'est pas pour lui. Quand il a été confronté à Totov 76 en Coupe de France, il n'avait qu'une envie, montrer à son ami qu'il n'est pas fini. Puis, quand il a revu ce Stade de France, sans siffler, à son encontre, il a vu qu'on l'aimait pour celui qu'il n'était pas. Sa nouvelle vie sous la bannière de J. Chabal était idéale pour lui. Il est revenu à ses premières amours de travail à l'usine, d'entraînement amateur, comme avant le Mondial 2050. Il repensait à ses matchs au stade Zinedine Zidane de Marseille, à ses journées de travail conclues par des petits matchs de football sans enjeu. Mais il n'a pas regretté sa période dorée chez les YNWA Reds, son premier but contre les Hernik Spurs au stade de France, ses clappings, le match international record contre Jersey. Son autre lui a tout gâché. Mais Faitson a tout suivi dans sa chambre d'hôpital. Son seul traitement de faveur était de pouvoir suivre les matchs des YNWA Reds. Il a tout vu. Le résumé de la fin du match contre l'Exure, le but victorieux de Totov 76, qui pointait le doigt au ciel en hommage à Fightson, le grand chelem Red en Europe, les belles campagnes nord-américaines et africaines des YNWA, le titre de la saison régulière, gagné à la dernière journée au nez et à la barbe de l'Exure Bianconeri. Il a vibré pendant le tournoi asiatique face aux champions indiens, chinois et qatari. Il a pleuré lors de la défaite en finale contre le Beticos. Il a ri lors de la chute du Qatar Galaxy Championship, puis a vu son ami Totov 76 s'envoler en Inde. Malgré la maladie et l'enfermement, il était toujours aux côtés de son frère. Totov 76 est ému par le discours de Fightson et comprend sa position. Il ne veut pas le déranger dans sa tranquillité et surtout sa bonne santé. Il lui dit que tout ce qu'il a accompli durant sa carrière, il l'a fait pour lui. La Japan Masters League 2050 et l'India 4.7 2051, il les a gagnés car il était accompagné par son frère de crampon. À chacun de ces trois ballons d'or, distinction revenue en 2051, consécutif, il avait une pensée pour lui. Il pensait ne pas mériter d'être le premier joueur depuis Lionel Messi, en 2012, à accumuler trois fois cette distinction sans concurrence. Pour lui, Fightson devait gagner ce prix. Mais il n'est pas encore trop tard. Il peut oublier ses vieux démons et retrouver le haut niveau. Totov 76 lui conseille de signer à Mouscron et d'aller chercher la Benelux League. Il pourrait se retrouver très rapidement. Totov 76 prend sa veste, laisse le maillot des YNWA Reds et est prêt à rejoindre sa voiture pour relier la Normandie. Mais Fightson lui demande d'attendre. Chapitre 80 pour le pari. Attendre, pourquoi? Fightson ne veut pas le voir partir tout de suite. Ils n'ont pas terminé leur séance de tir au but. Le Marseillais enfile le maillot des Reds et demande à Totov 76 s'il veut toujours qu'il le signe. Les deux amis éclatent de rire. Cependant, comme ils aiment les paris, ils vont apporter un nouveau challenge à ce duel. Si Totov 76 perd, il repartira à Saint-Martin-de-Bocherville seul. Si Fightson perd, il fera partie du voyage. Défi, une nouvelle fois, accepté. Tels deux enfants, Fightson et Totov 76 s'introduisent dans le stade d'Erso pour y disputer leur challenge. Ils reprennent là où ils en étaient, à quatre partout. C'est l'avenir de Fightson qui est en jeu, mais également peut-être celui de l'équipe de France. Avec l'ancien héros du Mondial 2050 sur Terre, les Bleus pourraient retrouver des couleurs. Encore faut-il avoir une victoire de Totov 76 dans ce duel. Le Normand transforme les quatre premiers tirs, tout comme son ami. Arrivé au cinquième ballon du joueur de l'Olympique, Fightson se place bien et détourne la frappe. Si l'ex-J Chabal marquait ce but, il restera en Belgique afin d'offrir à Mouscron une participation à la Benelux League. J Chabal, ou plutôt Fightson, met toute sa force dans le cuir du ballon. Le tir est imparable. Totov 76 n'avait aucun espoir de toucher le ballon, et heureusement pour lui. Durant son séjour en rééducation psychologique, Fightson en a profité pour prendre du volume. Il est beaucoup plus imposant physiquement qu'avant. Son profil aurait un atout énorme pour l'équipe de France. Néanmoins, un pari est un pari, et comme Totov s'est incliné, Fight redevient Chichabal et restera dans le plat pays. Pendant que le néo-mouscronais relève son ami, il lui dit en souriant que s'il avait voulu décliner son offre, il n'aurait jamais proposé ce pari. Mais le temps ne fait rien à l'affaire. Fight est et restera plus fort que le joueur sénomarin. Fightson lui demande quelle voiture a Totov. Puisqu'il aime le rétro, il roule en LaGerrari F70 de 2013. Autre question, y a-t-il de la place pour un copilote? Réponse positive. Et ça tombe bien, car Totov 76 prendra place sur le siège passager. L'itinéraire Mouscron-Rouen se fera avec Fightson au volant. Le défi est accepté. Le Marseillais veut bien tenter sa chance afin d'être élu par les Français pour figurer parmi les 16 sélectionnés bleus dans le cadre du tournoi Destination. Il laisse un mot au président belge et lui promet de revenir mi-octobre et aider Mouscron à aller en Benelux League. Faitzen va essayer d'aller conquérir le cœur des Français et oublier son traumatisme. La France mérite qu'il se surpasse.